Place Vendôme, Hôtel Ritz. C'est dans l'une de ses suites, au bout de l'un de ses couloirs feutrés du palace, que s'installe, lorsqu'il est à Paris, un homme de 28 ans qui a appris à profiter de l'extrême confort que procure l'argent. Jérôme Rudin n'est pas un homme d'affaires, mais un peintre qui sait très bien vendre ses tableaux. Il avait 18 ans lorsqu'il a réussi à se faire admettre par la Jet Set. Depuis, on le voit régulièrement sur les photos des magazines People, toujours en compagnie de femmes. Les plus célèbres n'ont pas hésité à s'afficher avec lui. Jérôme Rudin est suisse. Il est devenu un des personnages de la Jet Set. Et grâce à elle, il gagne beaucoup d'argent. Largement de quoi s'offrir les grands palaces. Voilà, non mais ça assouplit comme ça. Pour rentrer dans la Jet Set, ça n'a pas été extrêmement difficile pour moi, parce que j'ai fait certainement les choses qu'il fallait dès le départ. Quoi ? J'ai toujours investi beaucoup, j'ai créé, j'ai apporté des choses nouvelles, et j'ai toujours, c'est moi qui ai donné des dîners. Donc les gens venaient à moi, bien sûr que ça me coûtait de l'argent, ça m'en coûte encore aujourd'hui, mais il faut savoir donner pour recevoir, et il faut savoir payer aussi. Imaginez-moi à 20 ans, sortant d'une famille tout à fait traditionnelle, je n'avais pas de moyens importants, mais je me suis donné les moyens en empruntant. Les moyens qui lui ont permis de découvrir les trucs. Les trucs, c'est complimenter, c'est flatter, c'est être souriant, c'est avoir se rappeler, se souvenir aussi des gens, des femmes qu'on a vues, qu'on a rencontrées, les flatter en leur disant où on les a vues, parce qu'elles sont très touchées si on se rappelle, c'est que il y a effectivement eu un moment fort déjà. Donc essayer d'avoir un petit peu un pédigré, un historique sur chacun des invités. Jérôme Rudin a très vite compris les codes de la haute société. Il ne faut surtout pas accoucher avec une femme le premier soir ou le premier jour. Ce serait une erreur grave. La femme a besoin qu'on se préoccupe d'elle. Elle a besoin qu'elle pense qu'on l'aime. La femme a besoin de beaucoup de sensibilité. La femme a besoin d'un accompagnement. C'est bien, c'est ça. Cette tenue de soirée, parce qu'il a organisé ce soir une fête. Voilà comment Jérôme Rudin reçoit. C'est beau le rouge. C'est beau le rouge. Hein, c'est j'adore. Chaleureux, ouais. Et c'est une couleur extrêmement chaude. Ça te va bien. Toi, t'as les yeux verts ou bleus ? Vert, hein ? Parmi ses invités, Ornella Muti. C'est la seule de ses convives qu'il a pris soin d'aller lui-même chercher. Entre nous, il n'est pas là. Quelles sont ses qualités ? Mais il est là. Il est beau. Il est jeune, il est gentil, il fait des choses bien, il a fait un très bon parfum. Il y a déjà beaucoup, non ? Le fait qu'il soit beau, c'est important ? Mais non, bien sûr, non, mais il est beau. Et alors, il faudrait un maître, non ? Merci, Arnaud. Pour cette soirée, le peintre suisse a annexé l'une des boîtes de nuit les plus privées de Paris. C'est chez Castel, à Saint-Germain-des-Prés, qu'il a convié une soixantaine d'invités. C'est Massimo Gargia, le gigolo le plus célèbre de la Jet Set, qui lui a ouvert son carnet d'adresses et qui s'est chargé de toute l'organisation. Quand il avait 20 ans. Et j'ai fait la première soirée pour lui quand il avait 20 ans. Il est très calé dans les sexes. Pardon ? Il est très calé dans les sexes. C'est-à-dire ? Non, il est très fort, il paraît qu'il est très fort. En fait, une soirée comme celle-ci lui coûte 70 000 euros. Si Jérôme Rudin dépense autant, ce n'est pas seulement pour le plaisir, c'est surtout pour réunir des gens qui ont beaucoup d'argent. C'est du plaisir, c'est de l'amour, c'est de la transaction. On est là pour se sentir, pour se toucher, pour se palper. Il y a des gens issus de l'immobilier, il y a des gens qui sont issus du milieu bancaire, il y a des gens qui sont... Voilà, là, voilà. La femme, une des femmes les plus puissantes dans l'immobilier parisien récemment. Voilà, immobilier luxe. Vous n'aurez pas un petit peu dragué avant quand même ? Je ne sais pas, j'ai peut-être regretté qu'il ne me drague pas suffisamment. Je ne suis pas bien aperçu. Donc la séduction est une arme redoutable chez lui. Ah, il a une arme. Il a un abattage extraordinaire. J'ai me reflète comme dans un miroir. Je vois comme moi-même dans lui quand j'étais jeune. C'est votre successeur alors? Non, successeur non, parce qu'il fait une autre carrière. Moi j'ai fait une carrière au début avec mon corps. Il fait la... Et lui fait sa carrière avec toi. Il fait la carrière avec ses étoiles. Ah, c'est joli. Très joli. Cette soirée, c'est du business. Jérôme Rudin l'a organisée parce qu'il lance un parfum. Il a décidé de produire 1000 flacons et il vend 200 euros le coffret. Et la couleur du jus est jolie. Et alors, que sentir ? Ce n'est pas seulement pour les beaux yeux de Jérôme que Ornella Muti a accepté de parrainer cette soirée. En fait, sur les 70 000 euros que celle-ci coûte, 40 000 vont à l'actrice. Pour moi, ce soir, je suis extrêmement heureux parce que c'est la première fois que je réalise autant d'argent dans un laps de temps aussi court. Combien ? Plusieurs centaines de milliers d'euros. Ce soir ? 200 000 euros. Voilà. Dans la soirée ? Oui. Une opération juteuse. Un invité a signé un chèque de 200 000 euros pour les 1000 flacons.